Salut à tous, vous êtes sur Make It Deep, 97e émission. Ce soir, on se rapproche encore de la 100e. Mais là, on n'était pas là depuis un bon moment. On a eu des emplois du temps un petit peu conséquents. Ce qui fait qu'on a manqué quelques semaines. Et donc du coup je tenais quand même à faire des remerciements pour la soirée du New Morning de mercredi dernier. Un grand merci à tous ceux qui étaient présents pour cette page d'histoire de la musique qui s'est passée au New Morning, parce qu'on a vraiment assisté à quelque chose d'immense avec Kuniyuki Takahashi. Et donc merci à tous ceux qui étaient là. Et tant pis pour tous ceux qui n'étaient pas là. J'espère que vous aurez l'occasion de le revoir, même s'il est très très rarement en France, parce que vraiment c'était, je pense, et je l'assume aujourd'hui à ce micro, le meilleur live de musique électronique que j'avais encore jamais vu. Sinon on va enchaîner avec le programme de l'émission de la semaine. Il y aura les sorties de la semaine comme à chaque fois avec Léo et moi-même. D'ailleurs Léo est en face de moi, salut Léo. Salut Simon. Comment vas-tu? Ça va. Comment as-tu vécu ces quelques semaines sans radio? Mal, j'imagine. Mal, c'était intense niveau événementiel quand même. Ouais, c'était très intense niveau événementiel, effectivement. Donc voilà, Léo nous parlera de ses sorties. On aura ensuite une revue de presse assumée par Léo également. Je vous parlerai aussi de la soirée du week-end et ensuite on enchaînera sur une première. On a une première à présenter aujourd'hui, voilà, l'avant-première de la semaine. Et puis nous recevrons les gars de Slow Society pour la seconde partie d'émission qui nous ont rejoints très tôt, ou du moins nous avons commencé très tard. Et donc ils seront avec nous dans une seconde partie d'émission pour un interview d'un quart d'heure environ et un set d'une petite heure. On a hâte, restez bien connectés, ça va être très lourd. Écoutez, je pense que j'ai tout dit pour cette fois. On va se balancer un petit jingle et puis ce sera au tour de Léo de présenter ses sorties de la semaine. Et il a fallu faire le tri cette semaine, mais j'ai finalement réussi à trouver mon bonheur. Et parmi les sorties à ne pas manquer, il y avait un nouvel EP partagé entre Leonid et Lac. Le disque est sorti sur le label serbe Soul Print Recordings. Il est intitulé Yesterday for Tomorrow et l'EP contient deux titres du producteur bordelais Leonid, peu prolifique mais toujours qualitatif, et deux autres signés Lac avec 2A. L'ensemble est varié mais cohérent et propose une deep globalement atmosphérique. On passe ensuite au nouvel EP de TRP qui est sorti sur Mork, l'un des sub-labels de Lobster Theremin. Le producteur allemand signe avec The Future son retour depuis le fameux panneau EP sorti l'an dernier. Le disque fait partie de ma sélection hebdomadaire grâce à sa house lo-fi aux sonorités parfois acides, parfois old school, bref souvent un peu sale sans être trop poussiéreuse. Côté Various, j'ai eu le plaisir de me replonger dans le label suédois incontournable Local Talk grâce à un Various donc. Pour fêter ses 5 ans, le label dévoile en deux parties une sélection de titres inédits, produits pour l'occasion par S3A, SMBD, Marcel Lune ou encore Bodhisattva avec Sly Johnson. Un petit plaisir à déguster sans modération et qui remplit sa part du contrat. En découvrant ces morceaux, on n'a plus qu'une envie, aller se replonger dans la discographie de Local Talk et attendre de voir ce qu'il nous réserve pour les 5 prochaines années. J'en viens à mon premier coup de cœur. Cette semaine, je me suis arrêtée sur le nouvel EP de Léopold, DJ et producteur parisien qui tourne beaucoup depuis 2 ans. Au rythme d'un EP par an depuis 2013, Léopold prend toujours le temps de concocter un 4 titres de deep house varié et agréablement efficace. Après Body Parts Records et Velvet, c'est sur le label français Hill avec 2i que l'artiste dévoile désormais ses productions. On découvre donc cette semaine Hill 02, disque qui contient 3 morceaux, idéal pour le club comme pour la plage. Et parmi eux, j'ai jeté mon dévolu sur The Love Juice, un morceau estival à écouter sous quelques rayons de soleil. Et voici donc Love Juice de Léopold, on se retrouve juste après sur Make It Deep. Worship my love. premier coup de cœur, un extrait de The Love Juice, morceau donc estival et groovy de Léopold, à retrouver sur son dernier EP, donc Il 02, sorti sur son propre label du même nom. Avant de vous présenter mon second coup de cœur, je voulais quand même souligner quelques sorties à découvrir, comme le nouvel EP de FYI Chris. L'EP s'intitule Sanubar, il est sorti sur Rhythm Section International, et ainsi que le Various Shag Edits Volume 7 avec Oli Furness, Jamie Trench et Breath Underground, un condensé de groove 70s qui est sorti sur Roots for Bloom, ou encore la house classique, jazzy et funky de DJ Maurice, intitulé Glory et dévoilé sur le label américain Intangible. Du coup, mon second coup de cœur cette semaine, c'est DJ Akmal et son EP Tales from the Deep Side. Le DJ et producteur américain n'a plus rien à prouver après plus de 10 ans de carrière, et pourtant son dernier disque est encore une belle découverte. Il a commencé à mixer à 16 ans, a tenu une émission de radio en Virginie pendant 20 ans et a signé des disques sur des labels émérites tels que Bumpin' City Records ou Free Range Church et Color LTD. Ce mois-ci, DJ Akmal dévoilait donc Tales from the Deep Side sur les labels britanniques Axe en Wax, un 4 titres de deep à la fois club, à la fois chill et toujours à la recherche d'un style inimitable. Enfin, pour résumer, Tales from the Deep Side est un EP idéal pour des fins de soirée mouvementées et plutôt estivales. On s'écoute ça tout de suite, Deep Side de DJ Akmal, c'est tout de suite sur Make It Deep. We'll be right back. Voilà mon second coup de cœur de la semaine, DJ Akmel avec Deep Side, extrait de l'EP Tales from the Deep Side. Ouais, Akmel qui a de beaux jours encore devant lui, parce que je sais pas qui agit là, mais là il produit un EP par semaine à peu près depuis le début de l'année, c'est impressionnant. Bon, en tout cas, c'est à mon tour de présenter mes sorties de la semaine, et je voulais vous parler dans un premier temps d'un EP sorti par DJ Swagger, intitulé Remember Me EP, c'est un repress, c'est sorti sur E-Beams. Donc je vous avais déjà parlé hein, sur les ondes de ce DJ à l'occasion de la sortie de son EP sur Natural Sciences. DJ Swagger se démarque comme l'un des artistes les plus excitants de la nouvelle vague Lofi qui irradie la production européenne depuis 2 ans, et il s'initie en 3 titres maîtrisés oscillant entre deep, Lofi, techno et bass music. Pas forcément très accessible, ce maxi saura vous séduire quand même après quelques écoutes attentives. Ça sort donc sur E-Beams, comme je le disais, c'est une écurie britannique lancée en 2016 et qui compte à son actif déjà une dizaine de sorties par des artistes tels que DJ Boring, DJ Windows XP, DJ Long Dick et mon petit préféré, DJ Relationship Goals. Ce jeune label se consacre à cette veine Lofi et au beat non conventionnel, broken, bass music et consort. Doris Bourg maintenant, encore un repress avec Time Stretch Totem, sorti sur Aniara Sweden. C'est le phénomène suédois Alexander Berg, moitié de Genius of Time et membre émérite de Aniara Recordings, structure viking s'il en est, voit son superbe Time Stretch Totem repressé en cette fin d'avril 2017. On ne déroge pas au canon de la maison et de l'artiste, l'ambiance est ici deep et des rythmiques froide et contemplative, à mi-chemin entre une dream house italienne, une esthétique plus américaine et des rythmiques organiques esprit afro house. Ce somptueux 2 titres est à se procurer au plus vite. Quelques mots rapides sur Aniara Recordings, c'est une structure fondée en 2010 à Stockholm et qui compte aujourd'hui presque 20 sorties à son actif, toutes de très grande qualité par des artistes comme Genius of Time, Pornsworth Tobacco, Henri Berquist, OG ou Arcajo. Gemini maintenant, Le Fusion, Another Day. On n'en finit plus de voir des rééditions des EP de Spencer Kinsey aka Gemini ces dernières années, et pour cause, comme j'en avais déjà fait mention lors d'une précédente chronique, le pionnier chicagoan avait brutalement disparu de la toile il y a bientôt 10 ans, sombrant dans la folie et errant dans les rues de la Windy City sans domicile fixe. Du coup, difficile pour lui de défendre ses droits, et nombre de structures en ont profité pour rééditer certains classiques 90s de Gemini for free. Assez dégueulasse me direz-vous, et je vous contredirai pas, mais le meilleur moyen de lui rendre hommage reste encore de parler de sa musique, et le label Another Day a ainsi volé et remasterisé le maxi Le Fusion, qui était sorti initialement en 95 sur Casual Recordings. C'est un 3 titres sombres et puissants, caractéristiques de la production de Spencer Kinsey. Kick de mammouth, sonorité industrielle, vocaux français lancinants et bassline scandaleusement groovy sont les ingrédients d'une recette qui fait mouche et saura vous mettre dans la poche n'importe quel dancefloor digne de ce nom. Mon mini coup de cœur maintenant, c'est Young Marco avec un Various Selector 002 sorti sur Deckmantel Hollande. Donc c'est une série qui a été lancée par Deckmantel il y a de cela quelques mois et dont le premier opus avait déjà été l'œuvre de Young Marco qui faisait une compilation dédiée à la Dream House italienne donc il y a 6 mois. Et cette fois-ci, la compilation ne se concentre pas sur un genre particulier, mais l'on retrouve cependant bien la patte de Young Marco entre disco allemande kitsch, musique futuriste 80s, Dream House ou Italo Disco. J'ai adoré presque tous les morceaux après, à part quelques trucs un poil cheesy, mais Young Marco se démarque une nouvelle fois comme un des meilleurs sélecteurs européens. Le DJ hollandais nous régale avec donc 15 tracks sélectionnés triés sur le volet. Et celle qui avait le plus retenu mon attention, c'est un track de Wolf Müller intitulé Plaf. Fade des Vindes, pardon, et c'est une musique qui a des a des consonances asiatiques un peu tripant, voilà, on va se la balancer, je sais pas trop comment la définir en vrai, donc c'est tout de suite Wolf Müller avec Fade des Vindes. On se retrouve juste après, et merci à Young Marco pour le tips. Thank you. Voilà, ambiance japonisante sur ce morceau de Wolf Müller. Et je voulais vous parler aussi, Léo vous en a déjà parlé, mais moi aussi je voulais faire mon petit hommage à l'EP de Léonide et Lac, sorti sur Soul Print Recording, Yesterday for Tomorrow. On avait découvert Léonide, producteur bordelais de grand talent, avec son EP sorti chez nos copains de Into the Deep Records, et il réitère avec un EP en collaboration avec Lac, sorti sur Soul Print Recordings. Le label serbe avait déjà attiré notre attention avec des EP signés Life Recorder ou encore Brian Arden, et avec ce sixième opus, la structure montée par Akiyoki, DJP et Petkovski frappe encore un grand coup, et si j'avais pu trouver autre chose que les snippets, j'en aurais fait mon coup de cœur assurément. Les deux morceaux de Léonide, Urania 1 et 2, oscillent entre deep musclé, acide, et nous emportent par ces nappes de synthé cousues avec délicatesse. Sur la face B, Lac, artiste sur lequel je n'ai quasiment trouvé aucune info, mais qui a déjà produit près de 10 maxi, nous offre une atmosphère toujours club, mais peut-être un peu plus mentale. Le tempo a ralenti, les nappes entraînantes et la bassline groovy ont laissé place à des beats plus secs, et une ambiance un petit peu plus micro. Et mon coup de cœur de la semaine, il est l'œuvre de Stum Valley, avec un EP intitulé DG15001, voilà, Dopeness, sorti sur Dopeness Galore Hollande. Stum Valley, c'est un duo américain de producteurs qui, après avoir tourné pendant quelques années dans de nombreux clubs, avait décidé de vivre 2 ans en autarcie, dans un lieu un peu reculé de la campagne américaine, sans internet ni télévision, afin de composer une musique hors du temps, dénuée de l'influence des flux d'informations quotidiens de notre époque. Depuis, Stum Valley empile les maxis de grande qualité sur des labels tout aussi qualitatifs, dont je pourrais citer ici par exemple le sub-label de Rush Hour, No Label, Uzuri ou encore Off Minor Recordings, et il s'agit donc ici d'un 6 titres, donc presque d'un mini LP sorti sur le fameux Dopeness Galore Hollande, et qui rend visiblement hommage à la musique japonaise si l'on se fie au titre du maxi et aux sonorités assez conformes à la production électronique nippone, et on en sait quelque chose, bande d'enculés. Et l'EP se prêtera davantage à une écoute domestique qu'une utilisation en club, et par ce temps radieux, je ne doute pas que sa touche estivale saura vous ravir. On s'envoie tout de suite Stum Valley avec Pagoda Forest, voilà, sur Make It Deep, et on se retrouve juste ensuite. We'll be right back. Voilà, c'était Stum Valley avec Pagoda Forest sur Make It Deep. Voilà, je pense que je vous ai donné votre dose de musique asiatique pour aujourd'hui. Et on va enchaîner avec la revue de presse de Léo juste après une courte virgule. Petite virgule sympa. Vidéo pour commencer cette revue de presse avec une playlist YouTube pratique et unique. C'est Jérôme Sportelli, DJ et producteur d'Acid House belge, qui a compilé sur le site près de 400 vidéos. L'intérêt de cette playlist, intitulée The Best of Electronic Music Documentary Films, est qu'on y trouve donc des documentaires, des images d'archives et des lives de musique électronique à travers le temps et le monde. Une belle trouvaille web qui s'accompagne d'une vingtaine de tutos de mix et d'une playlist des trois techno classics. Bref, de quoi binge-watcher une culture musicale et internationale dont on ne se lassera pas. L'été approche et avec lui la saison des festivals. Comme chaque semaine, on découvre ainsi au compte-gouttes les programmations de centaines d'événements partout dans le monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a à boire et à manger. L'annonce locale de la semaine, c'était celle du Mackie Music Festival. Pour sa 4e édition, le festival lancé par les équipes de la Mamise et du label Cracky reprend du service du 30 juin au 2 juillet à Carrières-sur-Seine. Et côté line-up, on y trouve Le Camion Bazar, BCUC, Lucien and the Kimono Orchestra ou encore Folamour, Renard et Mézig en live. Surtout, le label Rush Hour y fêtera ses 20 ans avec Sochi Terada en live, Antal au platine avec Uni et San Proper. Un événement à ne pas manquer donc. On a aussi découvert le festival le plus long du monde, le Georgian Electronic Music Festival, ou GEMFEST, qui se tiendra près du petit village d'Anaklia, avec près de 500 artistes du 14 juillet au 14 août. Un mois de festival, c'est difficile à imaginer, mais apparemment c'est possible. Le combat des plateformes de streaming audio continue. Spotify a choisi la manière forte pour transformer ses utilisateurs gratuits en abonnés payants, grâce à un accord finalement signé avec Universal. Une restriction d'accès aux nouveautés et notamment les albums va être mise en place pour les utilisateurs gratuits, en privilégiant ses abonnés grâce à de telles exclusivités, sans parler de l'absence de pub et de l'accès hors connexion. Spotify compte bien augmenter ses transformations du gratuit au payant, et des accords similaires avec Sony et Warner sont déjà en cours de négociation. Si je vous dis Gilles Peterson, Antal, Raon, Ezra Collectif, Phonographe, Corp, Disco Matin, Sunny Sharp, Greg Bito, Object, Simocell, Molgrab, Move D, Rickway, The Root 8 ou encore Swilly Nick V, Hugo LX, DJ Stu, Pont 9 et Dusty Fingers, cela vous fait sûrement penser à un line-up si incroyable qu'il en devient inimaginable. Seulement voilà, la Chinerie en a décidé autrement. Grâce au vote de ses groupes Facebook et la participation des plus offrants à son projet sur Kiss Kiss Bang Bang, l'équipe va tenter d'organiser son premier festival à Paris en septembre avec plus d'une cinquantaine d'artistes au programme. Toutes choisies donc grâce aux votants. Une belle initiative donc qui risque de voir le jour si le public se montre aussi généreux qu'il l'est pour le moment. Et du coup, cette semaine, c'est Simon qui vous présentera le vinyle du pauvre. Voilà, cette fois-ci, je prends les commandes du vinyle du pauvre. Et c'est un vinyle, un disque, un album, un LP qui est sorti en 1975. Un album de jazz fusion, jazz funk, qui est l'œuvre de Harvey Mason. Il est intitulé Marching in the Street. Et c'est vraiment de l'excellent jazz funk, comme on en entend trop rarement. Et il ne vous coûtera que la bagatelle de 2,50€ sur Discogs, avec des qualités en plus... VG+, pour ce prix-là, donc ce qui est pas trop mal. Allez le choper, c'est vraiment énorme et on va se l'envoyer tout de suite. C'est Harvey Mason avec Hopscotch sur Make It Deep et on se retrouve juste ensuite. Deux balles, les gars. Thank you. C'était Harvey Mason avec, sur l'album Marching in the Street avec Hopscotch sur Make It Deep. On va s'envoyer directement la première de la semaine, et puis on prendra 2 minutes après la première pour vous faire un petit agenda, et ensuite on aura l'interview avec les gars de Society qui sont dans les studios. Je prends le relais alors. Tu prends le relais. Cette semaine, on a le plaisir de vous présenter, du coup, en avant-première, un extrait du nouvel EP de Soul Habitat. Il est prévu en fin de semaine, là, sur le label Pocket Money Records. Il s'appelle Ace Avenue EP et c'est un condensé de deep groovy forgé pour les dancefloors estivaux. Après Keeping Soul ou DJ Nav, c'est vers Soul Habitat que le tout neuf label britannique Pocket Money s'est tourné. C'est la cinquième release de la maison et 8 Avenue EP contient quatre titres, d'une deep vocale à la fois, à la rythmique efficace et au clavier entêtant. Le DJ polonais Soul Habitat n'avait sorti que deux EP en 2015 sur son propre label et signe ici son retour à la production. L'ensemble est jeune, frais et confirme les influences garage des années 90 que l'artiste affectionne. Et voici donc en avant-première 8 Avenue de Soul Habitat, extrait de son nouvel EP qui est sorti en fin de semaine. Thank you. Voilà, c'était l'avant-première de la semaine, donc en exclu sur Make It Deep, le nouvel EP de Soul Habitat. Le titre, c'était Eighth Avenue, qui est extrait de l'EP du même nom, qui sort en fin de semaine sur Pocket Money Records. Et on repasse à l'agenda du week-end avec Simon. Voilà, et je vais pouvoir vous faire un rapide agenda. Vendredi, la soirée qui a retenu mon attention, c'est celle de Crazy Jack, Orex Club. Ils font venir Fumi Atenaka, le producteur japonais qui se produira Orex, donc voilà, pour un DJ set de 3 heures. Ça vaut le coup d'œil, toujours excellent DJ, excellent producteur. Je voulais vous parler aussi de la concrète avec Villette 45. Donc Villette 45, cette radio secrète dont on sait tous que c'est évidemment Deco qui se cache derrière avec Bezad et Amaru. Et du coup, ils font venir à la concrète LTG, Bukem, DMX Crew en live, et ça vaut vraiment le détour. Security, Boa et après le team Deco avec Gab, Mud Deep et Mezig. Pour une nuit plutôt musclée mais qui vaut le détour. Les yeux oranges enfin à la Java qui invite Bismuth Sound System, ça ce sera vendredi aussi et ça vaut vraiment le détour. Samedi maintenant, j'ai surtout retenu la soirée Orex encore, la Head-On, donc la résidence de Molly avec Lawrence et Fred P. Et ça va être vraiment énorme entre micro deep et deep. Soyez là, ça va vraiment être très lourd. Et pour samedi, c'est à peu près tout, un peu plus décevant, avec évidemment, et là c'est la grande soirée du week-end, la concrète de l'espace avec DJ Harvey, The Black Madonna, Optimo, Sadar Bar et nos copains d'Into the Deep sur le Wood Floor. Surtout, ne manquez pas Arthur Lassman et Stepdo, aka l'apôtre, qui se produiront all night long sur le Wood Floor. Et vraiment, ça vaut vraiment le détour. Donc soyez là pour cette concrète monstrueuse. Vous serez pas les seuls, je pense. Mais bon, là, il y avait pas vraiment d'alternative. Il fallait en faire la soirée du week-end. Et ce sera donc la soirée du week-end. On va s'envoyer un petit jingle. Et puis, c'est l'heure de l'interview avec les gars de Society qui sont en face de moi. Salut les gars. Salut. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par une question traditionnelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu rapidement vos parcours personnels et puis surtout comment est-ce que vous avez voulu monter Society, quel était le concept de base et comment est-ce que vous êtes venu à le faire? En fait, on était un groupe d'amis, on faisait un peu tous de la musique dans notre coin. On se connaissait, l'un connaissait l'autre, mais pas forcément tous les membres du collectif. Donc on faisait de la bidouille, on a tous un peu commencé il y a déjà un bout de temps et au bout d'un moment on s'est dit c'est trop con, il faut qu'on unisse nos forces. Il y en avait dans des petits collectifs à droite à gauche et donc avec Thomas, Francis, Sheraf et moi-même Tristan, on a décidé de monter Society il y a presque un an jour pour jour, parce que ça devait être en février de l'année dernière qu'on a commencé. Exactement, ouais. En fait, on est tous dans l'audiovisuel, en fait. Donc, on avait tous à peu près un pied là-dedans. Et voilà, écoute, on parlait de musique. Certains produisaient, moi je mixe pas. Je produis pas, mais je mixe. Et voilà, on a décidé de lancer le premier EP avec aussi une série de podcasts. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Le premier EP a mis du temps finalement, puisque vous êtes monté il y a un an et il y a eu avant tout, surtout une série de podcasts bien pensés, parce qu'il y avait des super artistes, etc. Et du coup, ça a commencé comme ça. Donc, à la base, c'était vraiment une volonté de faire un label, mais vous aviez envie de commencer à porter un petit peu le regard sur vous, c'est ça? Ouais. Exactement, ouais. Exactement, en fait, la série de podcasts, elle permettait aussi de montrer ce qu'on aimait, quels artistes nous influençaient, et montrer qu'on pouvait justement montrer ce qu'on aimait avant de sortir ouais. Ce qu'on voulait sortir, en fait. En fait, je pense que c'était aussi la volonté de montrer notre univers musical comme quelque chose de très varié, on n'était pas cantonné juste, je sais pas, à de la techno, ou à de la tech house, ou à de la house, et que c'était vraiment les artistes et la musique qu'on aimait avant tout, avant même un style ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'en fait on a voulu aussi inscrire un peu notre univers musical par le biais de ces podcasts là, ce qui nous permet aussi d'avoir rencontré certaines personnes et de délimiter un peu notre univers musical, quoi. Ouais, poser votre patte avant de lancer le premier EP. Ouais. Et vous avez déjà vous avez encore envie de la continuer? Elle va continuer cette série de podcasts ou finalement elle va s'arrêter progressivement? Alors, on y a longuement réfléchi, ça prenait beaucoup de temps. Hein. On s'est quand même lancé sur 4 podcasts par mois, donc un par semaine. Ça faisait beaucoup de boulot. On y a longuement réfléchi et on pensait maintenant partir sur un par mois. D'accord, ok. Par mois. Là, on essaie de prendre un peu plus le tournant en release et de vraiment En fait, c'est le truc un peu difficile avec les podcasts, c'est qu'après aussi, on se situe pas vraiment bien pour les auditeurs. Les auditeurs savent pas si on est une web radio, si on est un label, si... Et en même temps, on avait envie de faire ça et de s'en foutre un peu de... C'était un peu l'élan du moment. Et là, c'est vrai qu'on est... On est plus tôt, ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment Thomas qui a trouvé les trois quarts des artistes à coup de messages, d'appels et tout. Mais et c'est vrai qu'il a bien bossé. Mais là maintenant, on laisse pas un peu place aux artistes et le but c'est de produire donc les artistes un peu fondateurs du collectif, mais aussi de produire des gens qui sont un peu dans l'ombre encore, alors qu'on adore ce qu'ils font, et notamment le deuxième EP qui va sortir, qui est celui de Sonorum. Enfin, on en parlera. Bon, on va y venir. Ouais. On va d'abord commencer par le premier. Donc, le premier, VA, qui est sorti il y a combien de temps? En mars, c'est ça, ouais, voilà, il y a un petit mois. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cet EP, des artistes, et de ce que vous en pensez? Est-ce que vous en êtes content? Un peu dans la lignée des podcasts, on voulait faire un premier EP donc Various Artists pour encore une fois, en fait les podcasts c'était un peu plus doux, pas vraiment dans le style que nous on produit bizarrement, donc c'est pas parce qu'on aime tel type de musique qu'on fait cette musique là, hein, mais du coup on a voulu aussi faire un Various Artists pour un peu marquer le premier EP comme avec les trois membres fondateurs. Et on a eu la chance d'avoir iCube en remix. Et on voulait aussi trouver vraiment un remixeur pour. Donc c'est les trois membres fondateurs de Society sont d'accord. Ouais, Clint, Citizen et Hors-Série. Ouais. Et vous pouvez m'en parler rapidement là de ces artistes, chacun de leur côté. Ils avaient déjà produit avant ou là c'est vraiment tous. Alors je vais t'en parler moins parce que Tristan fait partie de ces artistes. Ah, bah donc oui. Voilà, moi j'ai un avis plus objectif. Vas-y. Donc Citizen, Raphaël, Clint, Francis et leur série Tristan, qui ont chacun leur univers bien à eux, et je trouvais que ça, enfin, faire une track de chacun de ces artistes délimiter bien justement les contours de ce qu'on allait sortir prochainement, et que c'était cohérent et pertinent. T'as demandé de parler des artistes, hein. Un par un. Je devais parler des artistes, ouais. Donc François, qu'on appelle tous Francis. D'accord. Alias Clint, alias François, alias Francis, alias peut-être un prochain alias. C'est ça, qui lui en fait faisait de la musique de son côté et qui cherchait à sortir. Et en gros, on lui a demandé s'il était intéressé par nous jouer, enfin. Pour nous joindre, quoi, et en fait il a finalement été vachement intéressé. Maintenant il s'est vachement investi dans le projet, il va sortir un prochain EP bientôt. Il faut savoir que c'est un truc de pote quand même. En fait moi à la base je connais Thomas qui connaît Citizen qui connaît Clint, et en fait on s'est un peu tous greffés comme ça, en D'accord, se disant ne restons pas chacun de notre côté et donnant un élan au truc, et on se regroupe. Mais moi Thomas je le connais depuis le collège. Après Thomas a connu Citizen par le biais du taf. Et Citizen connaît Clint depuis le collège aussi. D'accord. Donc, en fait, c'est une histoire de potes. Ouais, une histoire de potes vraiment, avant tout, quoi. Et je pense qu'on est, c'est un peu dans la ligne de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait des trucs de notre côté à notre allure, Slow Society, quoi. Okay. C'est le début, hein, c'est le début, il faut le dire. Oui, d'ailleurs, ce nom, pourquoi Slow Society? Alors, y a deux versions. Il y a la version officieuse et la version officielle. Non, mais en fait, déjà, je pense qu'on avait tous un peu envie de trouver un nom qui soit un petit peu universel. Donc, on a cherché. Et puis, il se trouve qu'en fait, on avait déjà un projet avec ce nom-là pour d'autres trucs bien différents qui étaient morts depuis presque 10 ans, quoi. D'accord. Donc, on avait le nom, en fait. On avait le nom, on avait déposé les trucs à l'INPI, machin et tout, mais on l'a jamais utilisé. On s'est dit on le garde. En fait, c'est moi qui l'avais. Je me suis dit je le garde. Peut-être qu'un jour j'en ferai quelque chose. Et du coup, c'était pratique. Et en fait, on s'est dit, moi j'ai consulté, tu vois, j'ai pas dit on va faire Society, machin et tout. À la base, j'en ai parlé à Thomas qui m'a dit ça dirait qu'on fasse ça sous Society. Il a dit ok. Et tout le monde a dit yes, ok, c'est parti. Ok. Et tu parlais d'un deuxième EP. Alors du coup, il y a déjà le deuxième EP qui est sur la paille là. Exactement, là il est sorti de mastering la semaine dernière il me semble. Okay. Et donc on avait rendez-vous chez les distributeurs aujourd'hui là pour discuter un peu de la marche à suivre pour faire ça, en fait, essayer de faire ça dans les plus brefs délais. Donc on espère début juin. Ouais. Début juin, et c'est un EP de Sonorum qui a déjà sorti quelques trucs, mais Thomas en parlera mieux que moi. Sonora. La vieille virgule, le mec en détresse qui laisse son pote dans la merde. Non, il faut dire que Sonorum, c'est tout d'abord un pote de Citizen. D'accord. Raphaël, en fait, il se connaît super bien depuis le collège ou le lycée, il me semble. Sonorum a déjà fait son chemin de son côté. Il faisait partie d'un groupe qui s'appelle Équator. Qui était beaucoup Équateur, plus non Équateur. Équateur. Qui faisait beaucoup plus pop en tout cas. Et voilà, maintenant il est parti de son côté dans ses délires un petit peu plus électro. Il me semble qu'il a sorti une track sur un Various compact. Ouais, c'est ça. Il a sorti un EP avec Équateur à la base. En fait, c'est Raph qui devait être là, Citizen, et c'est vraiment un pote de Raph. C'est lui qui l'a mis sur le blanc. Nous, on a écouté la musique, on a kiffé, on a rencontré le mec, c'était cool, tu vois. Mais c'est vrai que lui est plus renseigné que nous sur en tout cas, on adore sa musique. Voilà. Le mec, on adore sa musique. Il nous a fait écouter des démos et on a adoré quoi. C'est un mec qui produit énormément, donc on est venu au studio dans son studio en fait. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'il nous a dit voilà, moi je fais ça, je fais ci en ce moment, je fais ça. Et en fait, on a un peu déterré des projets parfois un peu enfouis qu'il avait, qu'on a écouté, on a dit mais ça peut être mortel et tout. Il me fait ah ouais, vous kiffez ça, pourquoi pas. Lui il fait des trucs un petit peu plus soft, là on l'a poussé un peu dans notre direction et, ouais. Et du coup en fait ce qui est cool c'est qu'on l'a, je pense qu'on a réussi à justement à donner une nouvelle vie à ces projets en fait, ce projet Ableton qui était un peu vacant et parce qu'il était sur d'autres sphères, d'autres trucs et en fait il a vachement joué le jeu, il nous a envoyé des modifs, des versions et après on a tout écouté et ça s'est fait comme ça et on est arrivé à un truc, on est super content quoi, enfin en tout cas ça fait un vrai EP, un vrai 4 titres qui veut dire quelque chose quoi, c'est pas tu vois un truc genre que du club ouais. Ou qu'un truc cheesy, tu vois, mais ça se balade pas mal et c'est assez beau ce qu'il a fait. Pour tous les goûts, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est un voyage. C'est un voyage, ouais, il y a vraiment une évolution et ça finit bien, happy end. Ok, et vous parliez un peu là de votre style, votre sens, etc. Alors du coup, c'est quoi un peu le sens, le style de Slowsighty? Bah en fait, c'est assez marrant et je pense que ça s'est vu aussi dans les podcasts et dans la première release, c'est qu'on vient tous un peu d'univers différent, enfin ça reste quand même assez cantonné à la musique électronique, mais Francis et enfin Clint et Citizen, ils sont un peu plus énervés que nous, on va dire, un peu plus deep d'ailleurs. Je vais pas parler en leur nom, mais eux c'est vraiment leur kiff, c'est vraiment ils veulent un disque, Inervision, Talabot. Après, ils diront que c'est hyper réducteur de parler des gros que tout le monde connaît, hein, donc ils en parleront mieux que nous. Mais après, moi, tu parles pour toi, je parle pour moi. Hein. Moi, j'écoutais pas mal de hip-hop à la base. Après, c'est vrai que j'ai écouté quand même mes années collège de la musique électronique bien pourrie, que je kiffais bien, quoi, à fond. Des trucs genre. Je sais pas, il y avait un truc qui prenait en moi. Et ça a fait un peu son chemin. C'est vrai qu'il y a eu quand même des époques assez difficiles, collège et tout, genre Joachim Garraud et tout, c'était ah oui. ce genre de choses. Sombre histoire. Sombre histoire, mais faut dire que ces mecs-là, c'est quand même des mecs qui ont fait des gros trucs par moment, et qui surtout c'est des super DJ, même des lives ont fait des trucs. Je suis pas là pour faire la poésie de Joachim Garraud, mais non, et en fait, ça a suivi un peu son chemin. Après, c'est vrai que Thomas est énorme digger, moi je suis beaucoup moins digger. Et j'ai un peu des phases où je trouve tout super, un peu des phases où je trouve tout pourri. Et c'est, au moins c'est vivant quoi. D'accord. Je suis un peu en conflit toujours avec ce que j'écoute. Mais j'écoute ouais, plutôt de la musique électronique quand même pas mal. Ouais. Écoute, moi de mon côté, j'étais surtout très disco, très funk. J'écoutais que ça au lycée. Je me suis vraiment plongé dedans. Jusqu'au supérieur, enfin jusqu'aux études supérieures. Et j'ai découvert l'électro assez tard en fait. Assez tard, hein. Sinon j'étais sur du Benny Benassi moi, hein. Écoute, hein, au lycée. Hein. Bah ouais, mais... et voilà, écoute, j'ai commencé à être boulimique de musique électro en fait. En fait, il faut savoir, juste, je te coupe, mais pour l'histoire, en fait il a eu une caisse quand il a eu son permis. Et il s'est fait voler sa caisse. Et avec l'argent de l'assurance, il a tout claqué en vinyle. Donc t'imagines au studio, il y a une Citroën C4 en vinyle. exactement. Donc je te laisse voir un peu le truc, quoi. Et je t'avoue que c'est quand même beaucoup plus utile d'avoir, d'avoir cette thune en vinyle qu'en Citroën C4. C'est clair. Ouais, écoute, ça fait plaisir à mes parents aussi, hein, qui n'étaient pas forcément très enthousiastes que j'ai une bagnole. Voilà, je reste au studio maintenant. Ouais. Et non, écoute, sinon, en termes de goûts musicaux, je suis assez éclectique. Ça reste surtout en général house, mais après, parfois je m'énerve un petit peu en écoutant de la tech house, parfois même de la micro. Voilà, ça m'a étonné. Et maintenant, j'aime bien ça. Parfois, même de la micro, il doit avoir genre 300 scuds de micro, tu vois. Et je reste toujours un petit peu disco, un petit peu funk, et de temps en temps techno. Voilà, d'accord, ça dépend. Je suis assez fan de ces DJ qui peuvent passer de la techno à la disco, tu ouais, vois, genre ça. Black Madonna ou ceux-là. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber en allant les voir. Ou DJ Marco, Hervé, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Exactement. Ouais. Là, vous parliez de la concrète de l'espace, la Black Madonna, DJ Hervé, tu sais pas ce qui va tomber, quoi. C'est vrai. Donc ça, c'est vraiment le truc à aller voir, quoi. Ok. Deux petites questions pour la fin. Dans un avenir un peu moins proche que cette seconde sortie qui devrait pas tarder à arriver, peut-être pour la rentrée 2017. Dans un avenir moins proche, quels sont les projets, quelles sont vos envies? Les envies, c'est de continuer à produire nous de notre côté, à aussi faire de la musique, et aussi je pense que à produire des artistes qu'on aime et qui n'ont pas forcément trouvé de maison, quoi, pour sortir. Je pense que c'est ça la grosse priorité. La deuxième priorité, c'est les soirées. Et faire des soirées. Ouais. Là, on est sur un plan. Je sais pas si on peut. Non, on va voir. Non, bof. On en parlera prochainement, si jamais on est pris. On est en train de. Enfin, c'est cool, on est en train de booker des gens et tout pour un endroit cool, donc on espère que pouvoir vous en parler positivement bientôt, quoi. Et je t'avoue qu'en plus, on a quand même bien cravaché à une période pour des marchés, des lieux, des trucs et tout, parce qu'en fait, on connaissait pas grand monde dans ce milieu-là. En tout cas, dans le milieu des soirées, des mecs qui gèrent les clubs et tout. Et même si maintenant c'est un peu plus cool parce qu'il y a des lieux un peu alternatifs et tout qui commencent, et plus genre club, club ou apéro, comment ils appellent ça, apéro électro, je sais pas, enfin tu vois, ça se diversifie un peu. Je trouve que depuis quelques années il y a quand même des beaux endroits pour faire des trucs, parfois un peu à l'arrache et tout. Et c'est vrai que nous on a commencé en faisant deux soirées comme ça en Vandale, en fait sous le pont de la Statue de la Liberté, en fait il y a une petite île. Et donc on avait loué un groupe électrogène, on avait loué des enceintes, on avait ramené les platines, les machins et tout, et on faisait ça. Après c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que les keufs finissaient toujours par arriver, le matos c'est à nous, on l'a durement acquis, et c'est vrai qu'au bout d'un moment on peut pas toujours prendre ce risque, en plus à mon avis il y avait un peu de plus en plus de monde, donc c'était un peu compliqué. Donc là des soirées plus... Et là ouais, des soirées un peu plus... légales. Un peu plus légales, mais c'est vrai que celle-là, ça nous, avec les beaux jours, à chaque fois on se dit est-ce qu'on en fait une ou pas, donc peut-être qu'on va essayer. Mais non, en tout cas, ça fait longtemps qu'on a envie de faire vraiment une première grosse soirée de lancement, et d'inviter des artistes qu'on aime pour rentrer un peu dans la lignée des podcasts et de produire. Ok, d'accord. Donc des soirées. Exactement. Ouais, des soirées, des sorties, quoi. Surtout des sorties, des soirées. Ça marche. On va vous poser une dernière question et ensuite on va enchaîner avec le set. Dans l'éventualité non négligeable où le studio dont vous parliez là tout à l'heure prendrait feu et que vous avez plus que quelques minutes avant de vous barrer, parce que c'est très chaud, même quelques secondes en fait, c'est vraiment le bordel, et que vous avez chacun le temps d'attraper trois disques à la volée comme ça, est-ce que vous emportez? Wow, trois disques. Trois disques. Moi je prends deux notes de J Dilla, donc c'est pas du tout le... Enfin, si, c'est de la musique électronique. Non, mais de toute façon, vous pouvez faire en tout. Rarement, d'ailleurs, les invités prennent de la musique électronique. Je prends Donuts. Putain, après, c'est chaud. Hein. Je réfléchis de mon côté. Toi, tu tends la main, t'en prends quoi. Et justement, j'en ai trop, en fait. C'est toujours ça, le problème. Hein. Non, c'est la sélection à chaque fois. Ouais, mais il y en a toujours. Bah, en plus... Un ou deux, tu sais, qui sont les 10 de chevet, quoi. En tout cas, je suis d'accord avec Tristan sur le Donuts. Hein. C'est aussi celui que je prendrais en priorité, c'est sûr. Hein. C'est celui qui me berce depuis quelques années maintenant. Ton Jig Scott Heron aussi, là. Ton album de Jig Scott Heron, il est monstrueux. Ouais. Comment il s'appelle? Non, c'est pas celui-là. Attends. Boogie Down Studio, là, tu sais, le vaisseau spatial. Ouais. Non, non, je prendrais Donuts, je prendrais. Non, mais attends, il faut qu'on trouve des trucs quand même. Là, vous avez cramé depuis bien longtemps, les gars. C'est mort. Bah, on prend Donuts, de toute façon, il y a tout dans Donuts. On met Donuts. On met Donuts. On prend que lui, tu vois. Ouais, on sait qu'on peut en prendre 3, ouais, mais on prend que lui. Ok, ça marche, c'est noté. On va s'envoyer un court jingle, et puis c'est tout de suite Slow Sighty, 1 heure de 7 sur Make It Deep. Thank you.

the top. Lady said you love and don't stop. Baby from the bottom to the top. Lady said you love and don't stop. Baby from the bottom to the top. Lady said you love and don't stop. Tighten in the grip, loose lip, sink ship a little, swing up in the hip, but don't stop. Don't stop. Don't stop. Baby from the bottom to the top. Lady said you love her, don't stop. Baby from the bottom to the top. Lady said you love her, don't stop. Tighten in the grip, loose lips, sink ship a little, swing up in the hip, but don't stop. Don't stop. To the top, lady said you love it, don't stop. Baby from the bottom to the top, lady said you love it, don't stop. Baby from the bottom to the top, lady said you love it, don't stop. Tighten in the grip, loose lips, sink ship a little, swing up in the hip, but don't stop. Don't stop. Baby from the bottom to the top, lady said you love it, don't stop. Baby from the bottom to the top, lady said you love it, don't stop. Baby from the bottom to the top, lady said you love it, don't stop. Nothing but some tech of my queen, cause they know I left her looking never clean, it don't stop. Don't stop. Special request to all the girls and from north, south, east and west. From your body look good and you know you have the God bless. Brock White! From north, south, east and west. From your body look good and you know you have the God bless. Brock White! break. Thank you. C'était Slow Sighty sur Make It Deep. Merci à vous, on vous le rappelle, leur premier EP est dans les bacs, il faut que ça s'écoule, donc du coup allez le choper très très vite. On le rappelle, un VA de 3 morceaux et un remix d'iCube, chapeau les gars. Le deuxième EP est dans la boîte pour la rentrée 2017. On espère juin, ah, c'est pas juin, c'est la rentrée 2017. Carrément, ouais. Okay. La folie des grandeurs, c'est très bien. Et bah écoutez, on vous souhaite le meilleur et on espère vous voir rapidement, donc avec vos événements, vous en avez parlé tout à l'heure, peut-être tout bientôt, Slow Society pour les événements. Merci les gars. Merci beaucoup. À vous tous, c'était cool. Bah, pas de soucis. Merci pour l'accueil. Avec grand plaisir. Et écoutez, bah, bon courage pour la suite. Nous, on va s'envoyer, comme chaque semaine, un jazz pour terminer cette émission. Et le jazz que je vous ai sélectionné cette semaine est un poil chelou. Il s'agit de Chêne Noir. Pour finir avec cette grosse buterie. De Chêne Noir avec Musique des Amants. Et en fait, ça a été enregistré au Festival d'Avignon en 76. C'était un spectacle. C'était une pièce de théâtre avec du jazz entre les actes. Et donc voilà, Musique des Amants sur Make It Deep. Moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à lundi prochain. Ciao. La mer seule dans un cercle d'écume a dessiné le visage des amants. Et ils sont là, perchés comme des oiseaux de passage sur la rocaille de cette île. Et ils sont là, frileusement, comme l'ultime migration d'une neige de plumes. Ils viennent de tous les pays, de toutes les époques, de toutes les ruelles, de tous les printemps. Ils sont les amants séparés par la mort, par la morale des faux, par la haine de ceux qui jugent en montrant du doigt. Regardez, là, ils s'aiment. Voyez, sur cette île, tous ces oiseaux d'éternité, ils s'appellent Roméo et Juliette, Tristan ou Isolde, Dante ou Béatrice, toi ou moi. Ils sont la vraie misère du monde, ils s'appellent Orphée ou Eurydice. Et il t'attend. Il t'attend. Orphée. Par milliers. Tu voulais voir les amants, Orphée? Eh bien, regarde-les. Accrochés à leur canne, comme à leurs souvenirs. Ne l'écoute pas, Orphée. Les amants, c'est l'éternité. L'éternité, l'éternité. Les amants, Orphée, c'est l'attente et la séparation. Les amants, c'est la mort. Orphée, ne l'écoute pas. Les amants, c'est le soleil à chaque heure du jour et de la nuit. C'est le soleil devant chacune des portes de la vie. Les amants, Orphée, c'est un vieux chiffon qui a trop servi. Les amants, c'est une romance usée. C'est un slogan qui n'est plus à l'ordre du jour. C'est un mot d'ordre qui ne fera jamais gagner aucun parti. Orphée, ne l'écoute pas. Les amants, c'est tous les mots du ciel réunis à tous les mots de la terre enfouie. Les amants, Orphée, c'est la liberté. Comme ces vols de papillons qui vont en une vie d'une rive à l'autre de la Méditerranée. La Méditerranée, les amants, mes pauvres enfants. Voilà quelques milliers d'années que tu cours, et tu crois peut-être que c'est aujourd'hui, ici, qu'ils vont enfin comprendre ce que tu dis. Orphée, ne l'écoute pas. Orphée, ne l'écoute pas. Allez, Orphée, Dis-lui que les amants c'est fini, que l'île au milieu de la mer est engloutie. Remonte dans ta voiture, Orphée, et file vers les paradis d'aujourd'hui. Orphée, ne l'écoute pas. Les amants, ce n'est pas le fric, ni la stabilité. Ce n'est pas les yeux dans les yeux, ni la main dans la main, ni une petite chose à deux. Les amants, Orphée, c'est l'éternité. Jusqu'ici, petit enfant.